shutdown du gouvernement américain a conduit SpaceX à reporter une nouvelle fois l'allumage statique de son nouveau lanceur lourd, le Falcon Heavy, qui devait avoir lieu hier. L'étape est cruciale pour l'opérateur spatial privé. Le Falcon Heavy est un élément clé pour la poursuite de sa martingale sur la course à l'espace. Parce qu'il faut dire que l'irruption d'acteurs privés dans l'aérospatial a considérablement modifié la donne depuis 15 ans, jusqu'à contraindre les agences spatiales publiques à modifier leur propre méthode. Alors jusqu'où ira l'ascension fulgurante de la société d'Elon Musk? Ira-t-elle jusqu'à envoyer des hommes sur Mars? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'ores et déjà un avant et un après SpaceX. SpaceX, la nouvelle course à l'espace, c'est le problème que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire toute la lumière sur le parcours déjà accompli par la société américaine et sur les ambitions qu'elle affiche, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Pascaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space, c'est au CNRS Édition. Bonjour Philippe Henari-Ross. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Voilà, vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour sur les ondes et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @lamethodefc. Alors peut-être, messieurs, un mot pour commencer sur ce Falcon Heavy, nouveau lanceur lourd de SpaceX que l'on attend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, son allumage statique vient d'être une nouvelle fois reporté. C'est le 9e report consécutif. Les enjeux pour SpaceX et pour Elon Musk sont colossaux et un échec serait un lourd handicap pour la poursuite de ce parcours qui est presque aujourd'hui, on va le voir au cours de cette heure, un parcours quasi sans faute, Xavier Pascaud. Oui, c'est-à-dire que Falcon Heavy s'inscrit effectivement dans cette stratégie construite, je dirais, à la hussarde, par la société d'Elon Musk et par Elon Musk lui-même, parce que on va parler de SpaceX. SpaceX est fortement incarné dans son président, dans son dirigeant. Et effectivement, Falcon Heavy, c'est le nouveau fer de lance de la société SpaceX et apparaît d'ores et déjà comme un des lanceurs lourds majeurs des prochaines années. Donc, qui pose évidemment des problèmes à la concurrence immédiate d'Elon Musk, que ce soit Boeing, Lockheed, ce qu'on appelle United Launch Alliance, mais qui pose aussi des questions pour l'ensemble des acteurs de lancement dans le monde, y compris en Europe. Donc, Philippe Henari-Ross, ce report, bon alors là pour le coup c'était à cause du shutdown, mais en attendant, pour une fois, effectivement on a l'impression que ça change un peu dans la stratégie d'Elon Musk qui mettait des lanceurs et qui lançait presque, j'ai envie de dire, à tour de bras. Là on a l'impression qu'il prend le temps parce que un échec serait pour le coup vraiment difficile à surmonter. Elon Musk a lui-même été prudent l'été dernier sur les chances de réussite de sa fusée. Il sait que c'est compliqué. Il a bien expliqué que sa Falcon Heavy, c'est pas simplement attacher ensemble trois Falcon 9, parce qu'en gros c'est ça, c'est trois tubes qui sont accrochés avec chacun 9 moteurs. Ça fait 27 moteurs qu'il faut allumer en même temps. Il sait que c'est compliqué. Donc, il prend son temps. Il a sans doute raison parce que, en plus, sa fusée doit décoller d'un pas de tir historique. C'est le pas de tir qui a lancé Apollo 11 vers la Lune, la première mission où des hommes ont marché sur la Lune. C'est le pas de tir d'où s'est lancée la première navette spatiale américaine. C'est presque un monument historique. Il peut y avoir échec et échec. C'est-à-dire que s'il y a un échec avec une explosion sur le pas de tir, là, oui, ça met un coup d'arrêt. Si c'est un échec parce que il y a un étage supérieur qui ne donne pas toute la puissance ou que ça s'arrête un peu avant et que bon, il y aura des données, il y aura un vol, c'est un vol de qualification, ce serait quelque chose de normal et ça ne serait pas un coup d'arrêt. Elon Musk a déjà connu des échecs avec la Falcon 9. Ça fait partie du développement du spatial qui est toujours quelque chose de très compliqué. Ça retarde un peu le calendrier parce que comme vous venez de le dire, c'était un vol qualifiant et il devait y avoir un vol avec mise en orbite d'une charge, en l'occurrence sa voiture. Une voiture qui joue Space Oddity David Bowie. Ça c'est pour la vertu symbolique, mais c'est aussi ça Elon Musk. C'est le symbole, c'est marquer les esprits, c'est des annonces fracassantes. Parfois, il va parle un peu trop vite ou il va un peu plus vite que la musique, Xavier Pascal. Il annonce souvent très vite et puis souvent derrière, eh bien, ça met du temps à se mettre en place, c'est retardé, c'est repoussé. Absolument, ça fait partie de la stratégie de, je dirais, de perturbation complète que Elon Musk veut appliquer au monde spatial, dont il considère que c'est un monde qui est resté à l'écart finalement bien des avancées, des évolutions de toutes les autres activités, et il veut tirer ce monde vers l'évolution, vers ce rythme que l'on connaît aujourd'hui, en particulier dans ce qu'il connaît, dans le monde qu'il connaît, qui est celui de l'information, de l'Internet, qui se renouvelle très vite et qui a besoin finalement d'être constamment mis au défi et qui a besoin constamment de trouver de nouveaux débouchés, etc. Et donc, il a, à travers sa communication, parce que sur Falcon Heavy, cette incertitude sur le décollage, il sait très bien entretenir ça, il le fait à partir de tweets, Philippe a raison, il a dit « mais je suis pas sûr de récupérer les étages, enfin ça va être compliqué, si j'y arrive ça va être super ». On voit bien que tout ça, il le met en scène, c'est vraiment une mise en scène, et à côté de réelles réalisations techniques, il y a surtout une indubitable créativité dans la présentation d'une nouvelle activité spatiale. Et ça, c'est quelque chose qui perturbe peut-être parfois encore plus que les avancées techniques dont il fait preuve. Et ça s'inspire effectivement d'une vision qu'il a, que l'espace doit être tiré vers l'activité humaine, vers l'activité commerciale, industrielle, etc., etc. Et on va voir hein, qu'il y a parfois des annonces qui sont couronnées de succès, parfois des annonces qui sont un peu plus fumeuses. On va essayer de décrypter tout au cours de cette heure le parcours de cet homme qui incarne, comme vous l'avez dit, sa société SpaceX et ce que vous appelez, Xavier Pascal, ce que tout le monde aujourd'hui appelle. Hein, il y a même des cours aujourd'hui ou des formations qui sont consacrées à ce New Space, à ce nouvel âge spatial qui a commencé. Peut-être que pour définir ce New Space, faut-il rappeler un peu quelques éléments fondateurs du début de la course à l'espace. Le début de la course à l'espace n'est pas du tout le même que celle que l'on connaît aujourd'hui avec ce retour de flamme lancé par quelques acteurs privés dans les années 2000. Au début, la course à l'espace, c'est avant tout une course politique. On ne compte pas les moyens que l'on met. Il faut aller, il faut être le premier à aller dans l'espace, à aller sur la Lune. L'espace, vous avez raison, c'est d'abord, quand ça naît, il y a plus de 60 ans maintenant, il y a la volonté de gouvernement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre froide, de se saisir de ce sujet spatial pour en faire des outils de politique internationale, de stratégie internationale, des outils militaires. C'est d'abord l'activité militaire qui sous-tend les investissements qu'on va consacrer à l'espace. On fait de l'espace non pas pour aller dans l'espace, on fait de l'espace pour servir les objectifs militaires des deux grandes puissances. Ce sont les deux grandes puissances, Union soviétique à l'époque, États-Unis, qui se lancent dans cette... Et donc l'espace a toujours été, jusqu'à très récemment, je dirais, l'essence même de l'expression du pouvoir régalien. L'espace est d'abord gouvernemental et les quelques activités privées qui se sont greffées dessus, les télécoms, etc., c'est plus de l'utilisation incidente des moyens spatiaux, mais les développements, les investissements inconsidérables, c'est d'abord le fruit d'efforts gouvernementaux et de calculs politiques et d'un affrontement bipolaire, il faut être très clair. Et avec la fin de la guerre froide, effectivement, on a noté une petite déstabilisation de cette activité parce que le moteur principal n'était plus là. Et puis, quand même, on a, depuis les années 90, un très fort investissement, notamment des États-Unis et pas seulement, dans l'espace militaire qui continue, parce que l'espace est utilisé aujourd'hui dans les conflits, etc. Mais on a bien noté que les agences spatiales elles-mêmes étaient un petit peu déstabilisées et le terrain s'est donc un petit peu modifié. Et on se trouve effectivement aujourd'hui avec une nouvelle ère, peut-être, qui est en train de s'ouvrir, où finalement une partie de l'activité spatiale se déporte vers de nouveaux acteurs qui trouvent finalement un terrain propice eux-mêmes, qui sont des gens qui sont nés après Apollo en général, qui n'ont pas connu donc cette symbolique et très forte d'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, et qui trouvent finalement un terrain propice pour remplir une sorte de vide qui s'est installé. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment parler de transition ici. Cette transition, on la marque en général au tournant des années 2000, Philippe Hénaré-Rosse, avec plusieurs éléments marquants, la fin de la navette américaine après l'accident de Columbia, la fin de la station Mir. C'est le moment où on passe d'une course à l'espace politique à une course à l'espace économique, où d'un seul coup, il y a de la place pour faire du business dans l'espace. Oui, alors d'une part, les États, les gouvernements ont sans doute commencé à fatiguer un petit peu, puisque notamment les grandes puissances, l'URSS est partie en lambeaux, la Russie a moins de moyens à mettre dans la conquête, dans l'exploration spatiale. Du coup, les États-Unis étant un peu seuls, il n'y avait plus besoin de cette course au prestige aussi forte. Et puis, on a bien vu que la navette, par exemple, était quand même un vaisseau compliqué, très très coûteux et dangereux, puisqu'il y a eu quand même deux fois des accidents qui ont coûté la vie à 14 astronautes. C'est le record, le sombre record de la NASA. Donc déjà, il y a eu une espèce d'usure des agences gouvernementales. Et comme la nature a horreur du vide, il y a des businessmen qui sont nés effectivement après Apollo, ou en tout cas qui ont grandi après Apollo, et qui se sont dit, tiens, non seulement il y a du business à faire, alors ça reste à démontrer, parce que pour qu'il y ait du business, il faut qu'il y ait un marché. Donc pour l'instant, en dehors du marché des satellites, avec les télécoms et tout un tas d'applications, on ne voit pas bien. Et c'est pour ça que parmi eux, notamment Elon Musk, essaie de voir plus loin. Je ne sais pas s'il voit plus loin, mais on a l'impression qu'il est quand même habité par ça. Il dit pas simplement on va faire du business, mais on va faire du business parce que en fait l'humanité va devenir une espèce multiplanétaire. On va aller s'installer sur Mars. Mars, ça sera un peu comme les colonies qui ont fondé les États-Unis, qui un jour prendront leur indépendance, et il y aura des échanges commerciaux entre les deux. En gros, voilà un peu la vision d'Elon Musk. Il va même au-delà. En plus, il dit si on va sur Mars, comme ça, on peut s'installer et on peut avoir un canot de secours pour l'humanité si jamais sur la Terre ça tourne mal, ce qui est quand même un peu osé, quoi. Mais c'est le côté un peu New Age mystique qui va avec le personnage, hein, parce qu'il prend aussi position contre l'intelligence artificielle. Il veut construire une sorte de monde. C'est New Age des nouvelles technologies. Absolument. C'est New Age 2.0, quoi. Et d'ailleurs, on le sait, hein, à côté de SpaceX, il a d'autres activités industrielles qui tout tourne autour, finalement, eh bien, de l'innovation en matière sociétale, finalement, puisqu'il s'agit de faire des voitures électriques, il s'agit de faire des trains tout à fait modernes qui vont permettre aux gens, avec une empreinte carbone minimale, de relier beaucoup plus vite les villes. Enfin, il veut créer un nouveau monde. Il y a quand même effectivement cette idée-là. Alors, je voulais revenir juste sur un point sur les tournants des années 2000. Ce sur quoi je voudrais insister quand même, c'est que dès les années 90, aux États-Unis, on se rend compte que tout cet investissement qu'on a consenti dans la guerre froide, il va falloir le reconvertir dans une ère qui n'est plus celle de la guerre froide et qui est une ère où on va avoir... Le projet politique, c'est de faire de l'industrie américaine, notamment, une industrie performante, etc. Et donc, de lui permettre d'utiliser cet investissement public à des fins commerciales. Et donc, dès les années 95-94, par exemple, on va ouvrir ce qu'on appelle l'observation de la Terre à l'exploitation commerciale. Jusqu'à présent, c'était seulement les militaires qui avaient des satellites dits espions. Et désormais, on a... Et donc, finalement, on a quand même préparé pas mal le terrain. Et tous ces gens qui arrivent... Philippe, tu y faisais référence avec ces satellites, le New Space. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de satellites en orbite, des constellations de centaines, voire de milliers de satellites en matière de télécom. Tout ça, ces gens-là arrivent dans un terrain qui est, en tout cas aux États-Unis, déjà préparé, avec des ressources considérables liées à des acteurs de l'Internet qui n'existent pas vraiment ailleurs, qui n'existaient pas dans les années 90, mais qui se sont mis en place dans les années 2000. Et donc, on voit bien que c'est quand même un biseau. On n'a pas d'effet de marche, si vous voulez. On a plus un effet de pente assez raide, hein, je dois dire que ça va très vite. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une conversion qui se fait. Et d'une certaine manière, toutes ces réalisations, que ce soit sur les télécoms, l'observation de la télécommunication, l'observation de la Terre, etc., sont des réalisations qui aussi capitalise sur cet investissement public passé considérable. Donc on a, et c'est le cas d'Elon Musk pour sa fusée, Falcon 1, ça vient de ce qu'on appelle la DARPA, ce qui était l'agence de recherche du Pentagone. Falcon 9 a beaucoup été, on le sait, aidé par la NASA, même plus que ça. Donc on voit bien que la transition, elle se fait là aussi. Et on a le sentiment que finalement, dans cette époque, des Elon Musk, des Jeff Bezos, on en parlera peut-être tout à l'heure pour Blue Origin, le patron d'Amazon, ce sont des gens qui incarnent une sorte de nouveau pouvoir américain, quelque part. Et ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Alors après, avec des visions qui sont parfois un peu chancelantes. Hein. Ou qui sont, qui sont contestables ou contestées, enfin, on pourra rediscuter d'ailleurs. Peut-être un mot aussi, Philippe Hénaréros, pour dire que ces années 90-2000, on arrive à un moment donné où les parlements, le législateur n'a plus envie de mettre de l'argent et de se vider les poches dans des programmes spatiaux extrêmement coûteux et qui n'ont pas de retour aussi spectaculaire que finalement l'effet moonshot de l'homme sur la lune. Finalement, il y a une sorte de reprise en main du pouvoir public en disant vous êtes bien gentil, mais maintenant il va falloir quand même commencer à réduire les coûts parce que tout ça coûte quand même extrêmement cher. Et puis il y a la crise de 83 qui est passée par là, etc. Le retour sur l'investissement n'est plus le même. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, les États dépensent sans compter parce que c'est une guerre. Elle est froide, mais c'est une guerre. Au lieu de fabriquer des chars d'assaut et des avions pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie américaine fabrique des fusées pour gagner la Lune. Et c'est une bataille de l'image qui est très importante pour les États-Unis en tout cas, et pour l'URSS d'alors. Donc une fois que en 8 ans, rappelons-le, 61 le discours de Kennedy, 69 l'homme sur la Lune. En 8 ans, ils arrivent à mettre un homme sur, des hommes sur la Lune, ce qui était inimaginable. Effectivement, encore. C'est allé très très vite parce qu'au moment où Kennedy fait son discours, il faut quand même reconnaître que l'industrie spatiale américaine est totalement balbutiante, les fusées ont du mal à décoller, mais il y a déjà d'énormes moyens qui sont mis parce qu'ils sont battus à ce moment-là par les Russes et par exemple les énormes moteurs de la fusée Saturn V qui vont rugir moins de 6 ans ou 7 ans plus tard, ben ils sont déjà quand même plus ou moins au test sur l'étagère du côté des militaires, c'est-à-dire qu'au moment où les fusées décollent pas, il y a déjà énormément de moyens qui sont mis pour préparer la suite. Et effectivement, dans les années 90-2000, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'on commence à regarder du côté des politiques ça comme, tout ça comme une activité extrêmement coûteuse et qui ne rapporte pas autant à l'État. Donc, il y a un espèce de transfert qui se fait comme naturellement quand un État a fait ses routes, ses ponts, ses autoroutes, qui sont des infrastructures publiques payées avec l'argent public. Il dit, ben voilà, est-ce que vous ne voulez pas les exploiter, les privés, et laisser un peu la main sur ces choses-là qui ont été débroussaillées par de l'investissement public. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h16 sur France Culture, nous parlons de SpaceX et du New Space, de l'ère du nouvel espace qui a été ouvert par ces acteurs privés qui se sont emparés de la course à l'espace et de l'exploration spatiale. Donc on se consacre cette émission en particulier à SpaceX. Donc voilà que ce contexte que l'on vient de décrire, et puis on reparlera du fait que SpaceX n'a pas fait tout cela tout seul et que les appels d'offres de la NASA, ce que vous venez de décrire, lui ont considérablement mis le pied à l'étrier. Peut-être un mot tout de même sur ce personnage Elon Musk. Il est sud-africain de nationalité, puis canadien et américain depuis peu. Il arrive avec les poches bien remplies, mais ce qui n'est rien par rapport aux poches qu'il a remplies aujourd'hui, parce qu'il vient de revendre une société qui s'appelle PayPal, qui a été revendue à 1,5 milliard de dollars à eBay, lui en poche 175 millions, et il fonde sa société SpaceX en 2002, deux ans après Jeff Bezos, qui fonde, lui, le PDG d'origine, d'Amazon, qui fonde sa société Blue Origin. Voilà, alors, déjà on voit un Elon Musk, vous avez rappelé l'épisode PayPal, où il se fait sortir en fait, véritablement, par le conseil d'administration de PayPal, parce qu'il a des idées qui ne sont pas tout à fait en ligne avec la bonne gestion que les financiers qui investissent dans ces sociétés voudraient le voir appliquer. Et donc il choisit à la fois de partir, il est un peu éjecté quand même, il faut dire les choses, et il a déjà dans l'idée s'intéresser à l'espace, d'envoyer une charge sur Mars, peut-être avec une souris, c'est pas trop. Donc il va voir des Russes pour demander s'ils peuvent lui prêter des missiles, etc. D'ailleurs, les Russes le regardent avec les yeux totalement écarquillés en disant qui est ce type, etc. Lui font un prix prohibitif. Il repart, dit sa biographie vers l'aéroport de Moscou en jurant que là, on l'avait jamais traité comme ça et que puisque c'était comme ça, eh bien, il ferait ses propres fusées. Et SpaceX, dit-on, en tout cas, c'est la légende, naît comme ça. Et on est effectivement avec un personnage qui, à la fois, une vision personnelle qui lui est propre et à la volonté de changer les choses. Et pour revenir sur la situation dans laquelle il arrive, finalement, c'est quelqu'un qui se dit, mais cette époque de la guerre froide là, qu'on a décrite tout à l'heure, ça a donné lieu à des empires industriels qui, en fait, sont des gens qui appliquent des prix prohibitif, astronomique à leurs prestations, et en particulier pour accéder à l'espace, moi je vais faire un espace low cost. C'est son truc. Et ça, c'est tout à fait en phase avec la vision qu'il a, d'où il vient, le secteur d'où il vient, qui est ce secteur de l'internet balbutiant, les start-up, les trucs qu'on fait dans les garages. Donc il est quand même dans cette espèce de, voilà, d'environnement général. 2000, voilà, le début des années 2000, c'est le low cost aérien, l'explosion du low cost aérien, voilà. Et il se dit pourquoi pas appliquer ces formules-là à l'espace, à l'aérospatial. Et il se dit, mais oui, évidemment, on a affaire là à un arsenal, donc une industrie qui est en situation de monopole, et d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Boeing et Lockheed, qui effectivement font des lancements. Même le Pentagone s'est aperçu qu'il est payé très cher, ces lancements. Et quand Elon Musk arrive avec ses Falcons en disant « Mais moi, je vous fais le même lancement pour trois fois moins cher », on repousse le truc parce qu'on se dit « Ce type n'est pas sérieux ». Puis au bout d'un certain moment, on ne peut pas repousser. C'est ce que décrivait Philippe. De plus en plus de politiciens aux États-Unis se sont dit « Mais enfin, il est peut-être temps de revoir tout ça et de remettre un peu de l'ordre sur la table ». Philippe Henarero, sur cette personnalité, on peut rappeler aussi que Elon Musk a certes fait des études de commerce, mais il a aussi fait des études de physique. Donc il n'est pas tout à fait étranger à cet univers-là et à ces questions scientifiques. Et que, outre le fait de tirer tirer les coûts vers le bas. Il a vraiment pour ambition, effectivement, de casser ce monopole, de désingulariser l'activité spatiale. Oui, et il a une idée en tête, c'est de faire des vaisseaux spatiaux, des fusées qui soient réutilisables. C'est ça son... Dès le départ, dès Falcon 1, en fait, il y pense. Mais l'idée est tout à fait acceptable. Il dit, ben regardez, si chaque fois qu'on prenait un avion pour aller de Paris à New York, on jetait l'avion à l'arrivée, vous pourriez jamais vous payer le billet parce que ça coûterait le prix de l'avion. Donc, enfin, divisé par le nombre de passagers. Donc, ce qui fait que vous payez pas votre avion très cher, c'est qu'il fait plein d'allers-retours et qu'il est réutilisable. À loisir. Alors avant d'en arriver à une utilisation aussi extensive de fusées, je pense qu'il y a du chemin encore, mais c'est ça l'idée, c'est son idée. Donc c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans et que dès le départ, il a imaginé sa fusée Falcon 9 avec des pattes qui peuvent s'ouvrir pour pouvoir revenir et être réutilisées. Mais dès la Falcon 1 déjà, il l'envisage comme réutilisable, c'est vraiment dès le début de dès sa début. Démarche. Oui, dès le début, Pascal, ouais. La conception même de ces lanceurs prévoit cette option de réutilisation. Ça, c'est très clair. La chose intéressante, c'est qu'il défend cette idée contre vents et marées dans un contexte qui fait que cette idée est totalement iconoclaste parce qu'il y a eu une expérience de réutilisation totalement ratée. D'une certaine manière, c'est la navette spatiale. Ratée en termes de coût, non pas en termes de programme. Très beau programme, mais par contre très cher. Le programme le plus cher qu'on ait au kilo en orbite, la navette spatiale qui est censée, par sa réutilisation, diminuer le prix du kilo en orbite, a en fait été le véhicule qui a mis le kilo à la valeur la plus élevée en orbite. Et finalement, on dit à Elon Musk, la réutilisation, c'était la navette spatiale. Ce n'était pas un lanceur qui décollait, qui revenait avec son étage. C'était autre chose, c'était un avion planant, etc., compliqué, etc., etc. Et lui... finalement, on lui oppose ça, on lui dit, mais enfin, on n'y croit pas, hein, faut être très clair, la communauté spatiale n'y croit pas, je crois ni aux États-Unis ni ailleurs d'ailleurs. Et en fait, sa vision de la réutilisation était très différente de celle-là, et on l'a appris en le voyant finalement. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Philippe Hénaréros. Oui, les agences spatiales, il y a encore 5-6 ans, on va dire, 5-6 ans, ricanaient. Quand Elon Musk disait « moi je vais réussir ça », parce qu'effectivement il y avait cette expérience sur la navette spatiale, il y avait eu des calculs qui avaient été faits dans les années 60-70, parce que évidemment les gens n'étaient pas idiots, hein. Ils se disaient « on lance une fusée, il revient à rien, on perd tout à chaque fois, est-ce que c'est rentable ?» Et les études qui avaient été faites montraient que non. Mais lui, il a repris le problème en y allant, en le faisant, on va le faire vraiment, et on va voir, c'est une méthode quand même assez empirique. Voilà. Et puis, ben, sa réussite, ça a été que déjà, techniquement, ça marche. Pendant l'année 2015, il a fait plusieurs essais qui ont échoué de peu, quand même. Quand on voyait les essais, ça ratait pas de beaucoup, hein. Il manquait des petites choses à l'arrivée. Oui, ça explosait pas en retombant sur la barge, hein, parce que c'est souvent sur des barges, on voyait qu'il manquait un peu d'équilibre. Un peu d'équilibre, voilà. Ça tombait dans l'eau, mais on voyait qu'il était pas loin du but. Et fin 2015 et début 2016, il a fait deux essais qui n'étaient pas consécutifs, mais l'un où l'un des étages est revenu se poser. Je veux préciser, quand on dit réutilisable, Elon Musk, sa fusée, c'est la fusée de Tintin. C'est la fusée avec des pattes qui décolle et puis qui revient, qui fait une manœuvre de retournement comme la fusée de Tintin, sauf qu'au lieu d'aller sur la Lune, elle revient là où elle est partie. Hein. Mais justement, puisque vous l'évoquez, décembre 2015, c'est la première réussite pour Elon Musk et SpaceX. Écoutez cette archive du journal de France Inter. Et c'est un grand succès. Et la fusée SpaceX qui a décollé cette nuit de Cap Canaveral est parvenue, entre-temps, à mettre 11 satellites de communication en orbite. Mais vous allez le voir, à 200 km d'altitude, alors qu'elle filait à 6000 km/h. Le premier étage s'est séparé, il a opéré un retournement et a effectué une rentrée parfaite dans l'atmosphère. C'est le moment critique, parce que c'est à ce moment-là, d'habitude, que les premiers étages des fusées classiques se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Là, SpaceX a à nouveau allumé ses moteurs pour se diriger, puis pour freiner et atterrir. Vous le voyez parfaitement au centre d'une cible dessinée sur une ancienne base militaire américaine à 200 km de son lieu de décollage. C'est un exploit technique aussi. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il ouvre comme nouvelle perspective, cet exploit? SpaceX, c'est l'espace low cost. La fusée coûte 60 millions de dollars, mais faire le plein, ça coûte, disons, que 200 000 dollars. Alors, il suffirait de refaire le plein pour repartir, mais attention au coût de la révision des fusées. Il y aurait peut-être des pièces détachées à changer, et c'est justement le prix de ces révisions qui avait coulé le projet des navettes spatiales. Voilà, c'était le journal de France 3, pas du tout le journal de France Inter, un 21 décembre 2015. C'est le module de la Falcon 9 se repose sur Terre. Le 8 avril, pour le premier étage en entier qui se pose sur une barge en mer, on l'entend. Xavier Pascaud, c'est effectivement un défi technique et là pour le coup Elon Musk dame le pion à tous les gens et notamment des agences spatiales qui disaient vous y arriverez jamais, c'est ridicule. Mais alors, il reste quelques questions. Voilà, en 2015, disons qu'on reconnaît l'exploit technique, et d'une certaine manière, on peut admettre qu'on s'est un petit peu trompé, qu'il a fait preuve d'une bonne persévérance. Mais on n'est pas du tout prêt à adopter le modèle. D'ailleurs, je dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore controversé. Enfin, je veux dire, ce qu'on appelle le modèle d'affaires, le business model, si on parle franglais, n'est pas tout à fait établi. Mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment, parce qu'il a répété ses opérations, parce qu'on commence à être un petit peu mieux informé peut-être eh bien, de la réalité de la réfection de ces étages, avec sans doute, des étages moins coûteux que si on les construisait. Alors là, on a le sentiment, si vraiment ça s'enchaîne, qu'il peut y avoir un effet, effectivement, on va dire, de rupture sur l'économie du lancement. Oui, il y a déjà deux étages qui ont revolé. Hein. C'est ça, ah, voilà. Oui. En mars 2017, le premier, le deuxième à la fin de l'année, en septembre, voilà. Je crois. Effectivement, aujourd'hui, il y a encore une vraie question, comme vient de le dire Xavier Pascaud, sur le modèle économique. On ne sait pas exactement. Un SpaceX n'a aucune obligation de donner accès à ses comptes, donc tout ça est strictement privé. Mais voilà, il y a des informations qui filtrent, qui laissent entendre que malgré tout, ça coûterait encore relativement cher, un peu comme ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de la navette spatiale. C'est la seule question qui demeure aujourd'hui sur ce plan des réutilisables. Vraiment, il faut savoir, alors les moteurs, sans rentrer dans des considérations techniques, utilisent des carburants qui sont plutôt de nature à encrasser les moteurs une fois qu'ils ont fonctionné. Donc, il y a effectivement une révision, ils ne repartent pas comme ça. On remet pas la clé de contact et ça redémarre pas après avoir fait le plein. Donc, quel est le coût de cette remise en état? Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que, structurellement, les étages qui, quand même, subissent d'énormes contraintes aérodynamiques, on parlait tout à l'heure de 6000 km à l'heure, c'est à peu près ça, ils font quand même demi-tour sur eux-mêmes pour revenir à la base de lancement, si c'est un atterrissage à terre, ou en tout cas, ils freinent beaucoup pour revenir sur une barge qui se situerait en mer. Donc, est-ce qu'ils ont souffert au point qu'il faut quand même les rafistoler pas mal? Est-ce que ça demande de la main-d'œuvre Et puis, bon, ça c'est une fois, mais combien de fois un étage peut subir ça? Combien de fois un moteur peut subir de cycles? Et au bout des cycles, est-ce qu'il ne perd pas en efficacité? Et si oui, combien, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui sont de nature évidemment technique, mais c'est secondaire, c'est surtout la technique, quel impact elle a sur l'économie. Est-ce que c'est rentable ou pas, en fait? Les questions techniques qui sont assez primaires, en fait, à partir du moment où elles interrogent et sur le coût et sur la sécurité des lanceurs, parce que si au bout de la troisième fois le lanceur explose à chaque fois, on perd beaucoup d'argent, tout le monde... Tout se joue sur le nombre de réutilisations, effectivement. Alors, Elon Musk avait parlé de 10 à 15, on ne savait pas trop, parfois on évoquait 20. Est-ce qu'en tant que client qui risque beaucoup avec une charge utile très coûteuse, même si on me fait un très très bon prix, je serais d'accord pour utiliser la 9e fois ou le 10e tir d'un étage dont on me dit il devrait passer, quoi. Donc tout ça va s'évaluer. Je pense qu'en même temps, il ne faut pas caricaturer. Je pense que les clients font très attention à ça. Les opérateurs, notamment de satellites géostations de télécommunications qui sont très très présents sur le marché commercial, je dirais, ont porte ouverte quasiment chez les fabricants de lanceurs parce que les fabricants de lanceurs veulent leur démontrer l'intégrité finalement du moyen de lancement. Donc tout ça étant court, je dirais, on n'a pas encore d'idées précises. On voit quand même se profiler une confiance de plus en plus grande. Ça, c'est très clair. Et je dirais qu'au-delà de la technique elle-même, c'est l'acteur SpaceX qui est vu de manière plus sérieuse, comme un acteur plus sérieux, que peut-être il n'était vu il y a encore quelques années. Il l'a démontré, et ce qui a joué beaucoup dans cette posture et dans cette apparence de sérieux, c'est le droit qu'a eu SpaceX de tirer des charges militaires. Ça a été, dans son apparence, dans son statut, une amélioration considérable. Parce qu'il faut dire, et on va le repréciser en un instant après la musique, que SpaceX a pu aller aussi vite, parce qu'il faut rappeler que 2002, c'est la fondation de la société. 2015 pour le Falcon 9, le Falcon 9 réutilisable, avec un premier tir du Falcon 9 en 2008, de mémoire. Oui, quelque chose comme ça. Et 2015, une certification militaire. Et une certification militaire en 2015. Et donc, on est effectivement en moins de 15 ans, on est passé d'un acteur qui n'existait pas à peut-être aujourd'hui l'acteur majeur du lancement spatial dans le monde. Imagine holding planet Earth in the palm of your hand, with no regard for your place of birth or claim to any land. The only thing between us now is the truth we understand. If planet Earth was in the palm of your hand, for now, what will they say about us here? Did we care for the water and the fragile atmosphere? There are only two kind of folk and the difference they make. The ones that give and the ones that take. Just like the countless bodies revolve around the sun, planet Earth must now commit to balance with the one that calls it all to be within the sea's kingdom come. So shall it be written, shall be sung. Imagine you could rid the earth of anyone you choose. Which ones would you need the most, and which ones would you lose? Do we want to judge another, lest we be judged too? Careful now, the next one might be you. Just like the countless bites that revolve. Planète Earth de Prince pour cette émission consacrée à SpaceX en compagnie de Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du Nouvel Âge Spatial au CNRS Éditions, et Philippe Hénaré-Ross, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. L'un des coups de génie aussi d'Elon Musk, c'est quand il fonde sa société, on va faire un petit retour en arrière, quand il fonde sa société SpaceX en 2002, c'est de ne pas partir d'une page vierge en fait. Dès le départ et très tôt, il va réussir à gagner de la part de la NASA non seulement un certain nombre de transferts de compétences pour développer son propre moteur Merlin notamment, son premier moteur, et puis ensuite surtout d'importants transferts financiers en répondant à des appels d'offres. Xavier Pascaud. Absolument, donc son moteur Merlin bénéficie effectivement de recherches qui avaient été engagées par la NASA, Fast Track, etc., qui auraient dû être mises en œuvre sur un véhicule qui s'appelle le X-34 qui ne verra jamais le jour. Donc il récupère ça, il récupère des compétences, et puis vous avez raison, surtout il va s'appuyer sur trois contrats successifs. D'ailleurs c'est le seul qui va être capable de s'appuyer sur les trois successivement, puisque c'est la seule entreprise qui va être sélectionnée finalement dans chacun de ces contrats. Le COTS d'abord, effectivement, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Hein, donc c'est le contrat de transport commercial, enfin offert par la NASA pour à des entreprises pour mettre au point un système de transport commercial. Pour aller ravitailler l'ISS. Hein, voilà, c'est un contrat pour donner voilà. 12 cargos, 60 tonnes de marchandises pour 1,6 milliard de dollars. C'est ça. Donc ça commence à donner de l'argent. Clairement, ça lui permet de payer les salaires, ça lui permet de payer tout ça, parce qu'à un moment, et c'est assez bien raconté maintenant dans les histoires qu'on connaît de SpaceX, eh bien, il y a eu des moments de tension économique, financière très très forte chez SpaceX. Et la NASA n'aurait pas été là, disons-le clairement, SpaceX n'aurait pas pu continuer, ça c'est très clair. Il y a ce qu'on appelle le Commercial Resupply Service aussi, qui est un autre programme de cargo, etc. Là, c'est encore, je crois, 1,6 milliard. Et puis, on a le Commercial Crew Programme, et là, SpaceX, donc, avec Boeing, est sélectionné pour mettre au point le futur système de transport d'astronautes vers la station spatiale. Des vols habités. Des vols habités, absolument. Donc là on est sur 2,6 milliards. Bon, Boeing aura 4,8 milliards. Mais enfin, SpaceX a accumulé depuis 2006, finalement, jusqu'à ce dernier programme. L'ensemble de la manne NASA a toujours été sélectionné. Et finalement, effectivement, SpaceX est sans doute parmi les entreprises du New Space celle qui a été la plus aidée. Philippe Hénaré-Ross, donc SpaceX est un enfant caché, un enfant illégitime de la NASA. Oui, complètement. Et en plus, SpaceX a bénéficié de quelque chose qui aurait été très coûteux pour elle, ses infrastructures aussi. les aires de lancement. Certes, ils sont en train de construire leur propre spaceport à la frontière avec le Mexique, dans le golfe du Mexique, près de la mer. Mais avant ça, effectivement, ça coûte énormément d'argent que d'avoir une infrastructure de lancement. Donc tout ça fait que c'est bien financé par la NASA à la base. Il y a une grosse aide publique finalement. Et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est le modèle industriel de SpaceX, qui est un modèle extrêmement vertical. Hein, c'est une espèce de grande boîte rectangulaire. C'est, les pièces rentrent d'un côté, la fusée sort de l'autre. Non mais par rapport à d'autres constructeurs qui sous-traitent énormément, qui voilà, réassemblent, etc. Son secret, alors ce qui est décrié d'ailleurs par les gestionnaires industriel chevronné, lui choisit d'internaliser l'ensemble de ses productions au risque de pas être spécialiste dans une pièce donnée, par exemple, et de ne pas nécessairement de devoir tout réapprendre, etc. Aujourd'hui, l'industrie moderne normalement entretient un tissu industriel de spécialistes, mais en faisant ça, il diminue ce qu'on appelle le coût transactionnel, c'est-à-dire le coût associé à l'ensemble des transactions entre deux entreprises. Et son but, c'est vraiment de faire du low cost, c'est ce qu'on appelle le lean management, où on va essayer de regarder à la fois les grandes organisations de l'entreprise et puis aussi dans le moindre détail les relations entre les individus, etc. Tout ça tendu vers un seul but, diminuer les coûts, être le plus réactif possible, etc. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit que ça porte quand même ses fruits. Et donc, effectivement, Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, avait coutume de dire finalement, SpaceX, c'est un endroit où on rentre des tôles et on en sort des fusées de l'autre côté. Et je pense que c'est une image, mais effectivement, qui frappe tout le monde. C'est, parce que le monde industriel, en particulier dans ce domaine, mais pas seulement les sous-marins, etc., vous prenez tout ça. C'est un monde extrêmement complexe de relations entre industries très spécialisées. L'avantage, c'est que là, vous n'apprenez pas votre métier. Vous avez affaire à des professionnels qui vous livrent la pièce dont vous savez qu'elle est parfaite. Quand vous devez tout réinventer, et c'est ça, c'est le revers de la médaille, eh bien, c'est du coût supplémentaire, etc. Mais il se trouve que, alors, il insiste du coup technologiquement sur la simplicité des technologies. Et ça, c'est une chose essentielle. C'est quelqu'un qui va... Enfin, quelqu'un. Le SpaceX, c'est une entreprise qui va à l'essentiel en matière de technologie. Oui, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est le choix de ces moteurs, le choix de plein de systèmes, tout en innovant dans la récupération des fusées, il a été extrêmement conservateur dans les techniques employées. Il a pris celles qui étaient les plus éprouvées, effectivement. Et un mot aussi pour redire, alors ça c'est peut-être anecdotique, mais tout de même ça dit bien quelque chose de la personnalité d'Elon Musk, hein, sur cet appel d'offres COTS de la NASA, qui va véritablement, on l'a dit tout à l'heure, lui mettre le pied à l'étrier. Hein, et la NASA avait projeté que le contrat prévoyait 3 vols de qualification fin mai 2010. Il annonce qu'il n'en réalisera qu'un seul au mois de juillet et il envoie directement. Oui. Prouesse technique, mais là aussi c'est jouer les pattes, mais il joue gros et il gagne. Alors il joue gros effectivement en misant en même temps sur la relative confiance qu'il a dans une technologie éprouvée. Donc c'est quelqu'un qui sait effectivement rester sur le fil, en tout cas avec une petite marge de sécurité, qui sait communiquer très bien là-dessus, parce que j'insiste sur cet ensemble de communication. Et c'est ça qui fait que finalement c'est un acteur qui va s'imposer naturellement dans le paysage des lanceurs, alors qu'on a en face de lui une concurrence traditionnelle où en fait on a des acteurs qui communiquent très peu, dont les prix sont extrêmement élevés et finalement qui sont de plus en plus mis en cause. Et donc lui, il choisit de se distinguer de ça en prenant d'une certaine manière des risques personnels dans sa communication, mais du coup en redonnant une sorte de en recréant un lien avec l'autorité publique. Et c'est là aussi où on voit la spécificité parfois arrogante et agaçante d'Elon Musk et de SpaceX, parce que d'autres de ses concurrents, on pense évidemment à Jeff Bezos pour Blue Origin, sont beaucoup plus discrets, avancent dans leur coin, affichent moins leurs ambitions et du coup font moins de bruit, mais peut-être qu'ils n'ont pas, comment dire, été en déclenché ce bouleversement, ce changement paradigmatique dans la course à l'espace autant que l'a fait Elon Musk, avec ce côté un peu bruyant et agité. Effectivement, on peut se poser la question par rapport, si on fait la comparaison entre Elon Musk et Jeff Bezos. Jeff Bezos avance, il a créé sa société en 2000, Blue Origin. Deux ans avant Elon Musk. Ouais, et il avance et ce qu'il réalise marche bien, c'est sérieux. Là, il a fait une fusée pour des vols suborbitaux, c'est-à-dire on n'atteint pas la vitesse suffisante pour se mettre en orbite, et on a 10 minutes ou 15 minutes d'apesanteur, et il va vendre ça à des gens qui vont vouloir refaire le vol de Shepard. En fait, c'est pour ça qu'il a appelé sa fusée New Shepard. Mais cette fusée-là, elle a bien marché ces derniers temps, et il ne serait pas étonnant qu'en 2018, on voit un premier équipage de pilotes d'essai, hein, pas encore de clients, mais qui fasse un vol. Donc ça marche, et Jeff Bezos Cassios avance aussi comme un transporteur, c'est-à-dire qu'il voit aussi ce qu'Elon Musk a fait. Je pense, il s'en inspire et il le fait dans son coin aussi, et il a une nouvelle fusée, la New Glenn, qu'il est en train de fabriquer. Il a fabriqué un hangar pour ça, dans lequel il va, c'est gigantesque, dans lequel il commence à construire, il développe un moteur lui aussi, et il compte se mettre sur un marché de transport entre la Terre et l'espace, entre l'espace et la Lune, et pourquoi pas entre la Terre et Mars. Et donc il avance avec beaucoup moins de publicité, avec beaucoup moins de communication. C'est vrai qu'Elon Musk, à côté de ça, il fait deux fois l'ouverture, une conférence, c'est assez étonnant, une conférence d'ouverture du congrès international d'astronautique par deux fois. C'est un congrès qui a lieu tous les ans. Et par deux fois, Elon Musk vient faire la messe, en quelque sorte, raconter le futur qu'il voit à l'exploration spatiale, à la conquête de Mars, à la fabrication d'un véritable pays, une nation martienne. Et les gens l'écoute un peu comme hypnotisé quand même, parce que c'est quand même un peu fou tout ça. On peut noter qu'un passage aussi, et puis l'une des preuves de ce succès, c'est, puisqu'on est en 2018 maintenant, c'est qu'en 2017, SpaceX est l'entreprise qui a réalisé le plus de tirs spatiaux au monde devant Arianespace. Oui, non, tout à fait. Ça, c'est alors ça, effectivement, c'est une conséquence là pour le coup du succès d'Elon Musk. Arianespace, chez nous, dans notre lanceur auquel nous tenons beaucoup, qui avait traditionnellement la part du lion sur le marché commercial, dont je rappelle qu'il est quand même une petite part du marché des lancements, parce que en fait tous les gouvernements lancent, les gouvernements qui lancent beaucoup lancent avec leur propre lanceur. Et finalement, les États-Unis n'avaient pas de lanceur, jusqu'à SpaceX n'avait pas de lanceur classique capable d'aller sur le marché commercial. C'était des lanceurs réservés aux tirs du Pentagone, etc. Et avec SpaceX, eh bien, ils ont maintenant un acteur qui peut venir sur le marché commercial. Et donc, évidemment, pour Arianespace, c'est une concurrence supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment une conséquence importante. Alors, en plus, SpaceX n'est pas tout seul. On va avoir effectivement Jeff Bezos. On va avoir d'autres prestataires de lancement. On a une petite société. Il s'appelle Rocket Lab. Qui s'appelle Rocket Lab. Qui vient de réussir un tir samedi dernier. voilà. Le chiffre, je dirais, de vérité là-dedans, c'est le prix du dollar, le prix du kilo en orbite. Hein. Et donc, les petits lanceurs n'ont pas vraiment bonne presse. Mais maintenant, toutes les technologies avancent et on se rend compte que c'est en train de se bouleverser profondément. Donc, pour l'enjeu pour l'Europe et pour la France et pour l'Europe, c'est vraiment aujourd'hui d'être dans une position de répondre un peu à ces défis. Et on voit que SpaceX et ses nouveaux acteurs privés ont en tout cas ouvert une nouvelle page de l'exploration spatiale, celle du moindre coût, du low cost, où d'un seul coup, eh bien, c'est fini les grands lancements extrêmement chers, uniques, avec vraiment beaucoup de pression et politique et économique. Maintenant, le nouvel âge de la course à l'espace, le New Space, c'est plus petit, moins cher, plus efficace. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'ex-université Pierre et Marie Curie, aujourd'hui Sorbonne Université, pour voir comment des étudiants sont mis à contribution à CuriSat pour construire des nanosatellites de demain. Oui, alors CuriSat, c'est le centre spatial de l'université Pierre et Marie Curie, où ils ont développé un projet qui s'appelle Météorix. Alors l'objectif de Météorix, c'est de construire et d'envoyer un nanosatellite qui va analyser les météoroïdes depuis l'espace. Ce projet est dirigé par des chercheurs qui sont aussi enseignants, mais exécuté par des étudiants. J'ai rencontré Nicolas Rambaud de l'Observatoire de Paris à l'IMCCE, Dimitri Galaïko du laboratoire d'informatique de l'UPMC et Dylan Portera qui est étudiant en troisième année de licence de mécanique. L'ingénierie spatiale est un domaine interdisciplinaire par excellence. Et en fait, l'objectif de ce campus spatial, c'est justement d'offrir aux étudiants de toutes ces spécialités la possibilité de participer dans un vrai projet spatial, donc dans la construction et la conception d'un nanosatellite. En fait, donc le projet Météorix, donc c'est un projet de mission spatiale donc porté par un nanosatellite, ça veut dire un petit satellite qui aura la taille de 30 cm x 10 x 10. Et l'objectif, c'est effectivement donc de le lancer sur l'orbite basse, à peu près à 500 km. Donc embarquer une caméra là-dessus et pointer cette caméra vers la Terre pour attendre à ce qu'il y ait un passage de météore dans le champ de vue de la caméra. Et grâce à un algorithme embarqué, ben en fait, on détecte donc ce passage, on l'enregistre et ensuite on envoie sur Terre les images d'intérêt. Effectivement, donc, il y a toutes les filières d'ingénierie spatiale qui sont touchées, donc, au niveau donc, de la télécommunication, mais aussi au niveau de la puissance qui est distribuée au niveau du satellite, donc avec des panneaux solaires, des batteries pour recharger. Il y a également un ordinateur de bord pour pouvoir gérer tout le satellite. Il y a aussi tous les aspects thermiques et structures du nanosatellite qu'il faut prendre en compte. Je m'appelle Dylan Portela Morera et je suis en troisième année de licence en ingénierie mécanique à l'UPMC ici. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce projet. Et donc c'était surtout sur l'orbitographie et l'analyse de mission du nanosatellite. Et à ce moment-là, j'ai continué l'analyse de mission, j'ai fait étudier également les contraintes liées au lanceur, les contraintes mécaniques et vibratoires. Donc, alors les objectifs scientifiques de la mission sont la détection et la caractérisation des météores. Donc il faut savoir qu'actuellement, en fait, il y a une grande incertitude sur le nombre de météores qui arrivent au sol. Et nous, en fait, c'est un projet où on va développer donc, un satellite de façon à pouvoir détecter l'arrivée des météores depuis l'espace. Donc l'avantage, c'est qu'on va éviter toutes les contraintes météorologiques. Également, on va observer un grand volume d'atmosphère. Et l'idée, c'est de faire du comptage en fait, de météores qui arrivent sur Terre. Donc en fait, la détection automatique d'un météore dans un flux vidéo représente en réalité une tâche très complexe, du point de vue aussi bien informatique que matériel, que enfin, architecture d'ordinateur, parce que vu la petite taille du satellite, on n'a pas beaucoup d'énergie. Et donc, faire un traitement aussi complexe sur un flux d'images en temps réel, c'est très compliqué. Et donc, le développement d'un tel algorithme et d'une telle implémentation fait partie des défis techniques, ce qu'on appelle le développement technologique de la mission. Donc, on voit qu'il y a énormément de complexité, de contraintes techniques. Et finalement, on confronte les étudiants à la réalité de la recherche, les étudiants qui se retrouveront dans le spatial après. Je suis convaincu que la participation dans ces projets pour les futurs ingénieurs est extrêmement formateur. Déjà parce qu'ils peuvent appliquer en pratique les connaissances qu'ils ont vues dans des cours plus théoriques, mais surtout parce qu'ils ils prennent conscience du fait que en fait, l'ingénierie, ce n'est pas juste l'électronique ou juste la mécanique ou juste la thermique, c'est un tout. C'est que pour concevoir un système, il faut être au minimum généraliste, en plus d'être spécialiste dans son domaine, et avoir une connaissance et une compréhension de différents aspects. Et je pense que c'est peut-être le plus grand apport que ce type de projet donne aux étudiants. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on se rend compte que l'ingénierie, c'est vraiment interdisciplinaire. Et donc j'ai pu travailler avec des étudiants spécialisés dans l'optique, la thermique, la mécanique, etc. Et donc il y a vraiment des étudiants de tous les niveaux, de tous les UFR. Il y a également une très grosse valorisation de l'autonomie du travail en équipe. C'est justement, je suis passionné par l'aérospatiale depuis très longtemps. Et je compte devenir ingénieur dans l'aérospatiale, que ce soit dans la conception mécanique ou plus d'un point de vue physique sur l'analyse de mission, l'orbitographie. D'ici 4 ans, d'après le calendrier, oui, on devrait être au minimum prêt au lancement. Et ensuite de l'analyse des données de la mission une fois que la mission sera lancée. Et après, il y a aussi l'interaction avec les laboratoires. En fait, c'est un projet dans lequel participent beaucoup de laboratoires qui apportent différentes compétences, aussi bien sur le plan vraiment scientifique de la mission que sur le plan technique d'ingénierie. Voilà un autre des visages de ce New Space, de cette nouvelle course à l'espace, c'est la réduction des satellites avec quand même un avantage certain, c'est la possibilité beaucoup plus simple d'avoir accès à l'espace pour des petites structures, pour des petits satellites comme ça qui pèsent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup moins chers à construire. C'est une démocratisation de l'accès à l'espace, pas seulement pour les touristes spatiaux, Philippe Hélène-Héros. Oui, pour les universités, certains laboratoires, ça devient accessible plus facilement, c'est-à-dire si on a une mission scientifique à mener dans l'espace avec 1 à quelques millions d'euros et puis surtout beaucoup moins de temps, et c'est-à-dire ça va être sur 3 ans au lieu de 10 ans. Une grande sonde spatiale, c'est 10 ans de mise au point, il faut attendre que la fusée parte, etc. Il y a des reports. Là, c'est 3 ans avec une équipe réduite et un budget réduit. Et donc, si on a un objectif scientifique bien ciblé, on peut accéder à l'espace avec une enveloppe tout à fait accessible à tous. D'ailleurs, il y a un très bel exemple. Le premier CubeSat, nanosatellite français scientifique, a été lancé début janvier. Il s'appelle PicSat. C'est un satellite qui est consacré à l'observation d'une seule étoile. Dessus, il y a un télescope qui est de la taille de la lunette de Galilée, c'est-à-dire le plus petit télescope du monde, et qui va regarder les variations de luminosité de cette étoile, qui s'appelle Beta Pictoris, pour essayer d'analyser ce qui se passe autour. On sait qu'il y a une planète qui tourne autour, peut-être de la voir passer devant l'étoile. Eh bien, ce satellite peut être suivi avec une équipe réduite. Juste les scientifiques ont eux-mêmes leur salle de contrôle à l'observatoire de Meudon avec une antenne qu'ils orientent. Et quand le satellite passe au-dessus 3 fois par jour, ils communiquent avec lui, ils récupèrent les données. Donc voilà, c'est quelque chose qui aurait été impensable. Cette manip-là, il aurait fallu la monter sur une sonde, une grande sonde. Ça aurait été compliqué et surtout impossible à faire. Un autre mot pour conclure, parce qu'on arrive dans la dernière partie de cette émission, Xavier Pascoe, c'est que cette nouvelle page de l'histoire de l'exploitation spatiale, de l'exploration, je ne sais pas s'il faut dire exploration, exploitation d'ailleurs, c'est que ça a obligé un certain nombre d'agences nationales, dont le CNES, dont l'ESA, dont l'agence européenne, à revoir ses pratiques. Hein. Là, l'ESA vient de commander à Ariane Group ce qui était impensable il y a encore 5 ou 6 ans, mais le développement d'un moteur à bas coût. Et réutilisable. Oui, bien sûr. Enfin, aujourd'hui, aucune structure nationale destinée à développer des moyens de lancement peut faire comme si SpaceX et les technologies réutilisables n'existaient pas. Ce qu'on déteste dans l'espace, c'est tout ce qui est potentiellement sujet à panne, évidemment. Et on aime beaucoup la fiabilité. Donc, on a tendance, en fait, à ne pas changer une équipe qui gagne, j'allais dire. Et vous prenez l'exemple des Russes, par exemple, des lanceurs russes, qui sont quand même les lanceurs qui ont le plus lancé dans le monde. Eh bien, vous avez des Soyouz et des Protons, etc. Alors, ils n'ont pas tous le même taux de fiabilité, mais les Soyouz, par exemple, c'est des milliers de tirs. Or, quand vous voyez un Soyouz aujourd'hui, ça ressemble fortement à ce qu'était le Soyouz dans les années 60, parce que ça a marché. Et donc, voilà. Alors, évidemment, ça impose de changer ses habitudes, de changer de technologie, d'aller vers du nouveau. Et le nouveau, c'est toujours incertain. Et ça, l'industrie spatiale n'aime pas beaucoup ça. Les agences spatiales n'aiment pas beaucoup ça. Les contribuables, ça reste du budget gouvernemental. Donc, il faut quand même, il y a toute une phase de transition. Et je dois dire que d'une certaine manière, là, pour le coup, SpaceX force un peu les choses, hein, c'est très clair. Force un peu la main des agences spatiales, Philippe Hénary-Ross. Il les a carrément bousculés et forcés à renoncer un peu à leur conservatisme naturel, effectivement pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément innover. Vous savez, on envoie dans l'espace, que ce soit des satellites ou des fusées, des systèmes qui sont fiables, qui marchent. C'est pas forcément en pointe. Absolument. La pointe, c'est pour la recherche et développement. Et quand on met au point quelque chose de nouveau, eh ben, on a le risque de se planter, d'avoir un échec. Donc, Elon Musk, avec son histoire de réutilisable, il y est allé comme ça. Ça a l'air de marcher. Et donc, les autres ne peuvent pas ne pas réagir. Donc, ils sont obligés de tenir compte de ça et de se remettre à faire du développement de nouveau, à reprendre quelques risques. On dit dans les couloirs d'Ariane Group que vous savez que le prochain lanceur d'Ariane, c'est Ariane 6, qui est censé être un lanceur lourd. Et il n'a pas encore vu le jour. Et il paraît que Ariane 6, on en parle presque moins que le futur Ariane Next, qui serait Ariane ce Next. Nouveau lanceur réutilisable. En tout cas, Ariane 6 existera. Mais je pense qu'on a raison de se projeter déjà plus loin, parce que ça va très vite. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr de ce que sera SpaceX dans 5 ans, finalement. Hein. On n'est pas sûr de ce que sera SpaceX en 2020. Peut-être SpaceX aura eu des gros problèmes, peut-être SpaceX aura déjà été sur un autre lanceur. Donc il faut maintenant, je pense qu'on est dans des effets de cycle court qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, ça touche les lanceurs, ça ne touche pas que les lanceurs. Vous avez évoqué les CubeSats. Philippe a évoqué les aspects scientifiques des CubeSats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des sociétés qui existent, qui exploitent ces CubeSats commercialement, ils en ont plus de 150 en orbite, pour prendre des petites images de la Terre. Ce ne sont pas des images extraordinaires, hein. Ces CubeSats, ça fait, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, 10 cm par 10 cm par 30 cm. La taille d'une bouteille d'eau. Ça fait des images de 3 mètres. Les puristes vont vous dire, 3 mètres, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux que ça. Certes, on fait beaucoup mieux que ça, mais quand vous en lancez plein et que ça ne vous coûte rien, vous faites de la revisite, du rafraîchissement d'informations. Ces CubeSats tout seuls, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, insérer dans des systèmes d'information, ça prend une valeur considérable. Et ça, on voit ça se multiplier, grandir avec des échecs certainement, et puis des sociétés qui vont rester. Donc tout ça est en train de rebattre les cartes, et pas seulement dans le domaine des lanceurs. Or les lanceurs, il faut que ça lance quelque chose, donc évidemment c'est intimement lié au sort, au destin des lanceurs. Pour conclure, on va parler tout de même du Falcon Heavy et puis de sa déclinaison qui doit, puisque c'est l'une des ambitions affichées par Elon Musk, 2024, envoyer des êtres humains sur Mars. Alors tout le monde dit 2024, nous avons consacré une émission ici même à la question, c'est beaucoup trop tôt, on n'y ira jamais, les contraintes matérielles, physiques, technologiques, biologiques sont encore beaucoup trop élevées. Néanmoins, on disait à peu près la même chose, Philippe Hénary-Ross, d'une fusée réutilisable, on disait que ça ne se ferait jamais. Elon Musk l'a fait en une dizaine d'années. Est-ce qu'il faut le croire quand il dit qu'il est... Oui, mais alors là, je suis prêt quand même à tenir le pari. On n'est pas dans le même ordre de grandeur en termes de difficulté. Elon Musk, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore réussi à envoyer des hommes dans une fusée de sa fabrication et dans une capsule de sa fabrication. La capsule Dragon. Absolument. Qui est Dragon 2. Pouvoir porter des passagers. Un contrat avec la NASA qui est censé redonner l'indépendance de l'accès à l'espace aux États-Unis et qui aura au moins 18 mois, voire 2 ans de retard sur le programme. Donc les astronautes américains continueront à prendre le seul taxi existant, c'est-à-dire le Soyouz russe. Et donc, vous voyez, on n'est même pas dans l'espace. Et quant à aller sur Mars, le fossé est incommensurable avant d'y arriver. 2024, Elon Musk lui-même sait lui-même que ce qu'il dit n'est pas réaliste. Il le fait pour continuer dans sa stratégie de communication à vendre du rêve. Avant tout, il commence à vendre du rêve. Sa société prendra la valeur avec le rêve qu'elle vend d'abord. Mais le rêve et l'espace a toujours été lié oui. Xavier Pascaud, elle envoyait le discours de Kennedy. Oui. C'était un discours politique, évidemment, mais c'est un discours qui a vendu beaucoup de rêves aux citoyens du monde entier. Alors, ça a vendu beaucoup de rêves. Alors, c'était quand même un discours éminemment politique, politique d'abord. Bien sûr. Mais effectivement, vous avez raison. Je dirais que ce qu'Elon Musk, Philippe a rappelé tout à l'heure, il se trouve que j'assistais à cette conférence, la première conférence ouverte par Musk au Mexique, à cette conférence à l'Asie. Ce qui m'a frappé, moi d'abord, outre le fait que les gens s'y sont précipités, on n'avait jamais vu ça de mémoire de congressistes, et il y avait 5000 personnes quasiment, avec des gens qui avaient une moyenne d'âge de 20 ans. Et ce qui m'a frappé en le regardant, c'est pas un orateur extraordinaire, il n'a pas un charisme extraordinaire. En revanche, il sait faire un truc, c'est raconter une histoire. Je dirais pas des histoires, peut-être des histoires, mais d'abord une histoire. Il raconte quelque chose. Et c'est sans doute ce que l'espace a un peu perdu dans sa technicité. C'est-à-dire qu'on sait faire de très belles choses et finalement on les met pas trop en scène. Ce qui me fait penser à ça, c'est le succès qu'a eu par exemple Rosetta et Philae ont raconté une petite histoire qui a ému les gens. Et je pense que ça, il a su le faire avec toutes les impasses, et je suis tout à fait d'accord avec Philippe sur les impasses sur le programme martien. Et en même temps, c'est quelque chose qui compte. On a besoin d'une petite mythologie, on a besoin de quelque chose qui relie la société à cette exploration-là. Philippe Hénaré-Ross. Oui, juste parenthèse pour revenir sur Kennedy, qui effectivement vendait ce rêve-là, même s'il était politique. Il avait quand même une autre artillerie, si je peux m'exprimer ainsi, derrière lui. Il avait toute la force de l'État américain en termes de main-d'œuvre, en termes d'ingénierie et en termes de finances. Ce que Elon Musk, si riche soit-il aujourd'hui, n'a pas pour l'instant. Donc il ne réalisera pas un deuxième pari à la Kennedy tout seul. Et en 2024, il n'y aura pas un astronaute qui sortira d'un dragon de SpaceX qui se sera posé sur Mars. Mais quand bien même, alors deux petites questions pour conclure, quand bien même ça ne se passerait pas en 2024, quand bien même il y aurait, allez, mettons 6 ans de retard, 2030, c'est pas si grave. Et est-ce que Elon Musk, malgré tout, avec une logique purement économique, aurait réussi tout de même une sorte de pari, c'est-à-dire de réenchanter l'espace? Alors, très clairement, il donne un nouveau souffle, hein, c'est clair, à l'espace. La nouveauté, en fait, la grande nouveauté, c'est que vous avez... Il y a 10 ans, il y avait un seul type d'acteur qui avait à la fois des capacités et une vision, ça s'appelait une agence spatiale. Aujourd'hui, ces agences spatiales existent toujours, elles ont toujours des capacités et une vision, mais il y a un nouvel acteur, de nouveaux acteurs qui débarquent, ce sont ce genre de personnages qui ont aussi des capacités. Elon Musk va construire des satellites, il construit déjà des fusées, et il a une vision qu'il a exprimée, qu'on peut effectivement, qui est très controversée, mais voilà. Et ça, c'est ça, je dirais, le plus nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans une phase... Les prochaines années que vous mentionnez seront sans doute des années où l'acteur public, les gouvernements travailleront de concert avec ces nouveaux acteurs, et ça, c'est nouveau. Eh bien, nous allons continuer à suivre attentivement le développement et les nouveaux chapitres de cette course à l'espace, de ce New Space. Merci beaucoup à tous les deux. Xavier Pascaud, hein, je rappelle, le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space au CNRS Édition, et Philippe Hénaré-Ross, Ciel Espace, janvier février, consacré à la 9e planète. Elle existe, affirmez-vous, reste à la trouver. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avait Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, tout de suite, c'est le deuxième épisode de la série documentaire Mon métier, c'est avocat, par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain il sera question du Bitcoin, la monnaie virtuelle est en chute libre après avoir atteint des sommets à la fin de l'année dernière, mais nous évoquerons surtout la technologie derrière le Bitcoin, le blockchain qui dessine un nouveau visage aux échanges virtuels de demain. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.